L'orientation de la conscience. Voici un enregistrement pour le mois de mars de l'année 2022. Donc, j'ai décidé de le faire parce que la conscience individuelle est orientée dans plusieurs directions par plusieurs forces. Et c'est un phénomène qui est intéressant à étudier. Présentement, en ce début de 21e siècle, ce que je peux mentionner par rapport à ça, c'est que l'enjeu des différents médias de masse, c'est d'orienter l'opinion publique dans une direction, orienter dans une certaine direction aussi les comportements des individus, si on pense entre autres à la publicité qu'ils véhiculent pour les amener à consommer certaines choses. Et l'enjeu présentement sur Terre de différentes forces, autant visibles qu'invisibles, c'est l'orientation des consciences individuelles pour qu'elles soient au service de leur agenda. Autrement dit, se servir de la conscience des gens pour les mobiliser dans certaines directions qui font l'affaire de certaines forces en vue de l'actualisation de leurs objectifs. Mais il existe bien entendu des forces contradictoires et c'est intéressant de regarder le fait que présentement, en début du 21e siècle, les médias de masse qui prolifèrent, dont les différents supports ont augmenté graduellement au fil des dernières décennies, parce que là aujourd'hui, les gens peuvent être rejoints 24 heures sur 24 et englobé par des informations relayées de manière médiatique par les journaux, par la radio, par la télévision, par l'Internet sur des ordinateurs, sur des téléphones intelligents, sur des tablettes électroniques et également des mondes qu'on va dire intelligentes. Donc, les supports médiatiques potentiels se multiplient. Et par rapport à ce phénomène-là, ça permet à ceux qui contrôlent les différents médias de masse qui vont relayer de l'information sur différentes plateformes d'avoir un pouvoir plus grand sur ce que certains appellent le temps de cervelle des individus, autrement dit leur psyché. L'enjeu de différentes forces à travers la multiplication des moyens médiatiques, c'est progressivement englober l'individu pour que l'individu reçoive 24 heures sur 24 des notifications, que ce soit sur son téléphone intelligent, sur les réseaux sociaux, pour le programmer, le conditionner à adhérer à certains éléments, puis à force de répéter certaines choses à plusieurs moments de la journée, en fonction d'un narratif, eh bien les gens finissent par y croire. Donc, implicitement, les gens, à force d'être exposés à ça, sinon pas d'esprit critique, bien, c'est sûr qu'ils vont se soumettre au discours et le relayer. Donc, la conscience présentement, entre autres par l'activité médiatique grandissante et omniprésente, sert l'agenda de certaines forces qui visent à conditionner d'une manière de plus en plus efficace les esprits des différents individus pour orienter leurs comportements, leurs habitudes d'achat. Et c'est sûr que la programmation qui est faite à travers les médias a un impact. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle des entreprises vont investir des millions de dollars par année en publicité. C'est-à-dire que ça leur donne un retour sur investissement, c'est-à-dire que des clients qui vont acheter leurs produits, car sinon ils n'agiraient pas ainsi. Donc, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui dépense des millions de dollars avec l'achat de temps d'antenne à la radio, à la télévision, ou d'espace publicitaire dans les journaux ou sur les réseaux sociaux, si ça ne lui donne rien en termes de vente à la fin de l'année ou en termes de visibilité qui vont permettre justement les ventes, ben, c'est sûr qu'à quelque part, les différentes entreprises n'agiraient pas ainsi. Donc, il y a un résultat par rapport à ça. Donc, d'imprégner les gens, par exemple, de l'importance d'un logo d'entreprise, d'un symbole. Donc, il y a des gens aujourd'hui qui vont adhérer à certaines marques, que ce soit des marques de vêtements ou même dans le secteur de l'informatique, par rapport à des gammes de produits, comme autrefois les gens adhéraient à des religions. Dans le domaine de la religion, il y a un logo qui est associé. Si on prend, par exemple, pour le cas des chrétiens, le symbole qui s'y rapporte est celui de la croix avec le Christ dessus. Bon, ben, si on prend des grandes marques comme la famille de produits Apple, bon, ben, c'est l'image d'une pomme. Donc, il y a différentes marques qui existent de différents produits. Que ce soit IBM ou autre, et chaque marque peut être associée à une façon de penser particulière, à une gamme de produits, à une gamme de prix. Et par rapport à tout ça, ben, ça sert à orienter l'individu. Donc, quelqu'un peut s'affilier à une marque à un point tel que d'acheter, par exemple, un gilet avec le logo de la marque et le porter avec fierté pour relayer de l'information relative à la marque et lui donner de la visibilité. Donc, c'est un petit peu comme autrefois les gens qui se promenaient avec des signes ostentatoires pour faire la promotion d'une religion. Donc, la conscience peut être orientée à des fins publicitaires, ça c'est évident. Par contre, il y a une orientation de la conscience qui se fait aussi au niveau occulte et plus subtile. Et l'une des raisons qui m'amène à vous parler, ben, c'est sûr que c'est de l'importance au niveau individuel d'être capable d'orienter sa conscience en fonction de soi-même. C'est-à-dire d'être capable de générer, entre autres, une parole qui va être l'affirmation de ses besoins plutôt que tout simplement être le relais de l'agenda d'une collectivité qui cherche à nous amener dans une direction plutôt qu'une autre. Donc, autrement dit, au lieu d'être des satellites de la société vivant en périphérie du rayonnement médiatique, il faut oser, à mon avis, être capable d'être un soleil qui est capable de rayonner de l'état d'être qu'on veut connaître dans sa vie, plutôt qu'être des éponges de l'activité médiatique qui cherche à induire, dans certains cas, une ambiance permanente de crise, que ce soit par rapport à la menace d'un virus, la menace d'une guerre, la menace d'une crise économique, de l'inflation galopante. On peut chercher à véhiculer de la peur pour abaisser le taux vibratoire de gens et d'abaisser aussi la capacité de faire preuve d'une volonté qui est puissante, d'être libre d'un agenda collectif qui peut servir à nous déposséder de nos énergies vitales, voire nous aliéner. Donc, l'essence de mon propos, c'est de dire qu'on peut être orienté par différentes forces qui sont le relais du collectif, entre autres à travers les médias de masse qui ont une activité de plus en plus grandissante dans la vie de plusieurs personnes en Occident à l'époque actuelle. Donc, les médias vers l'individu pour l'influencer, pour orienter ses différentes activités quotidiennes. Mais ça peut être aussi l'individu qui, de par sa conscience, va chercher. C'est sûr que la personne peut chercher à orienter le collectif ou les gens de son environnement dans une direction qui l'avantage. Et c'est sûr que si on pense entre autres à la physique quantique, à l'effet que la réalité n'existe pas en soi, mais par soi, bon, c'est en lien avec le constructivisme, mais aussi la physique quantique, cette façon d'appréhender le réel, en ce sens que dans la physique quantique, il existe des probabilités et la réalité, par exemple, d'une expérience est influencée par l'individu qui l'aperçoit. Donc, sans la personne qui perçoit l'expérience, qui l'influence, ben, les résultats d'une expérience ne seraient pas les mêmes. Donc, autrement dit, l'activité subjective à l'égard d'une expérience a une incidence. Et c'est en vertu de ça que j'évalue qu'il est pertinent pour moi, sur le plan individuel, bon, ben vous ferez ce que vous voudrez, là, les gens qui écoutaient mon enregistrement, d'orienter d'une manière volontairement consciente l'activité de ma conscience vers ce qui me permet d'être bien dans ma peau, ce qui me permet d'être heureux. Et par rapport à ça, ben, il y a des choses qui peuvent être faites, c'est-à-dire quelqu'un peut utiliser sa volonté pour faire des actions dans sa vie de tous les jours qui vont l'avantager. Ça peut être de l'activité sportive pour être en bonne santé physiquement. Ça peut être aussi de la méditation, de la bénédiction, de la visualisation créatrice, du déploiement de l'intention de soi vers l'univers dans la perspective que nous sommes séparés de rien. Donc, on peut orienter l'énergie au lieu d'être simplement des vaches à lait qui relient une information qui est véhiculée par les médias pour nous amener dans certains niveaux vibratoires, énergétiques. Dans les derniers jours, j'étais chez mes beaux-parents, donc j'ai voulu faire changement, j'ai été chez eux avec ma compagne, et c'était l'occasion là, de faire du ski de fond. Moi et ma compagne, nous sommes des amateurs de cette activité de plein air hivernale, donc d'un centre différent de celui que je fréquente régulièrement. Et ce que je constatais, c'est même dans un lieu aussi paisible qu'un centre de ski de fond, parce que ça m'était arrivé à celui que je vois proche de chez moi, les informations médiatiques, même si on n'y est pas exposé directement, indirectement, on peut y être confronté. Dans le sens qu'on faisait du ski de fond, et là, il y a quelqu'un qui nous aborde, il nous salue. Bon, OK. Et là, il dit « Ah, c'est pas drôle, qu'est-ce qui se passe présentement en Ukraine? » Et là, la personne véhiculait une vibration avec une forme de sentiment d'impuissance, de tristesse, en disant « Ah, ils s'en prennent présentement. » Les troupes de Poutine à une maternité en Ukraine, qui a été visée par les forces militaires russes. Et là, la personne parlait de ça. Et il y avait, au niveau vibratoire, il y avait comme une énergie qui était quand même basse derrière son propos. Ce qui est drôle, c'est que quelques jours au préalable, dans mon centre de ski de fond, proche de chez moi, des gens aussi m'ont abordé en ce sens-là. C'est comme si les gens, présentement, de ce que j'observe, sont conditionnés par les médias qui leur disent que, présentement, le peuple ukrainien est victime du peuple russe et la situation est triste, la situation est dramatique. Et que là, les gens sont préoccupés par rapport à ça. Et là, il y a plusieurs personnes qui veulent parler de ça. Et moi, ce que j'ai à dire, c'est que de vivre une tristesse par rapport à des gens qui se situent à des milliers de kilomètres n'empêche pas ces gens de ressentir de la tristesse. Donc, la sympathie vibratoire qui consiste à ressentir un état d'être qui nous est induit, comme on peut être induit un état d'être à travers l'activité hypnotique, donc quelqu'un qui va faire de l'hypnose pour amener quelqu'un à se sentir calme et détendu pour favoriser son sommeil, qu'il soit réparateur. Bon, mais ça, c'est une forme d'activité qui va être utilisée à des fins thérapeutiques, mais l'hypnose de masse qui est faite par les médias de masse qui sert à induire un état d'être, c'est intéressant que ça soit décortiqué et vu en détail. Donc, dans les médias, on peut avoir un discours qui va dire « il se passe telle chose », c'est un drame humain, c'est triste, c'est tragique, des gens souffrent. Et en faisant ça, ça induit l'idée de la tristesse au sein de l'individu qui écoute le bulletin de nouvelles ou qui va voir l'article, la vidéo qui est relayée là, sur les réseaux sociaux. Autrement dit, les médias, un peu comme un hypnotiseur, vont induire un état d'être. Et là, moi, qui voulais prendre un petit peu des vacances de l'activité médiatique, eh bien, en étant même dans un endroit aussi calme qu'un lieu de forêt, et c'est un autre centre de ski, puis l'autre fois, ça m'est arrivé aussi, bien, je suis confronté à l'activité médiatique, parce que je sais que présentement, tous les jours, les grands bulletins de nouvelles ici au Québec, et je sais que c'est la même chose dans les différents pays occidentaux, vont relayer les informations en lien avec qu'est-ce qui se passe en Ukraine au moment où est fait cet enregistrement. et on cherche à amener un état de sympathie aux gens, c'est-à-dire d'ouverture, d'identification aux Ukrainiens, entre autres, puis amener les gens à ressentir une forme de tristesse par rapport à ce qui se passe. D'ailleurs, l'un des slogans d'un des médias de masse québécois étant TVA, c'est « créateur d'émotions ». Donc, on amène les gens à s'émotiver par rapport à un peuple. Mais ce n'est pas créateur d'intelligence prépersonnelle et... Non, non, c'est créateur d'émotions. Donc, par rapport à tout ça, on cherche à orienter l'activité psychique. Mais la question à se poser, est-ce que c'est intelligent de ressentir de la tristesse à tous les jours en ligne des bombardements, des attaques qui sont faites, qu'on dit, de cibles qui sont des habitations, donc des civils? Est-ce que c'est propice à améliorer la situation concrète des gens en Ukraine, de ressentir de la tristesse? C'est une question à se poser. Est-ce que ça nous sert aussi? Une autre question à se poser. Donc, par rapport à tout ça, ce que j'ai à dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec l'activité militaire qui va s'en prendre à des civils naturellement. Donc, je cautionne aucun crime qui peut être commis dans une perspective de violer les droits de l'homme naturellement. Par contre, je prends une distance par rapport à ce qui se passe, dans le sens que de ressentir de la tristesse et de l'impuissance, pour moi, c'est inintelligent. À jour des longues, devant un écran d'ordinateur, voire un écran de télévision. Et aussi, j'observais, j'étais en vacances, puis bon, eux autres, ils ont la télévision, à différence de moi, avec le câble, et là, il y avait l'émission... mettant en vedette l'animatrice québécoise Julie Snyder. C'est un jeu de mots, hein, avec il y a la semaine des 4 jeudis, puis là c'est la semaine des 4 Julie. Donc un jeu de mots. Puis là, dans la dernière émission que j'ai visionnée récemment, elle recevait la chanteuse Ariane Moffat. Et là, par rapport à la situation présente, bon, je vais écouter une émission de variété avec ma compagne, mes beaux-parents. Puis ça va nous changer les idées. Mais non! En début d'émission, là, Ariane Moffat et Julie Snyder s'étaient mis du vernis à l'ongle avec les couleurs de l'Ukraine, avec du bleu et du jaune. Et là, ils étaient fiers d'en parler devant la caméra en support par rapport à eux. Et ensuite, Ariane Moffat, durant l'émission, elle a interprété une chanson avec sur arrière-plan « Ukraine Forever », donc « L'Ukraine pour toujours » avec l'effigie des drapeaux. Et là, ce que je voyais derrière ça, c'est qu'on amène des gens dans la communauté artistique à apporter leur support à l'Ukraine et d'en être fiers devant les médias. Donc, c'est sûr que c'est bon pour le capital de sympathie de l'artiste par rapport aux gens qui sont en soutien avec l'Ukraine. Donc, c'est sûr que les gens qui écoutent les politiciens, les médias de masse qui relaient les propos des politiciens occidentaux, qui dans la plupart du cas sont pro-Ukraine, de voir un artiste qui est pro-Ukraine, eh bien, ces gens-là vont dire « Ah, c'est un artiste qui a de l'allure ». Il supporte le bon groupe, il est dans la bonne gang. Et les gens qui supportent l'Ukraine, dans le fond, en fonction du discours officiel, que c'est la Russie qui agresse l'Ukraine, se croient dans la bonne gang. En fonction de ce qui est véhiculé dans les médias. Et on construit une réalité derrière ça. La conscience est orientée face à une activité artistique, dans ce cas-ci, avec un spectacle de musique. Et là, on voit que des gens qui croient bien faire. Mais en même temps, ce qu'il faut réaliser, c'est que les médias présentent une partie de la réalité. Pendant ce temps-là, sur les médias alternatifs, j'ai écouté un peu quelques vidéos en lien avec... avec Anne-Laure Bonnel, là, qui est une journaliste... qui est dans la région, en fait, qui a fait de nombreuses vidéos dans la région du Donbass, où il est question que la population ukrainienne, en fait, devrais-je dire, le régime du président qui est en place aurait bombardé les séparatistes depuis l'année 2014. Donc, il y a deux villes qui cherchent à se séparer de l'Ukraine. Il y a deux régions dans le Donbass qui se situent à l'est de l'Ukraine. Et Zelensky, donc, aurait bombardé, et ça, ça implique des populations civiles ukrainiennes qui cherchent à se séparer de l'Ukraine. Donc, c'est sûr que à ce moment-là, cette information-là qui n'est pas véhiculée dans les médias de masse ne nous donne pas un portrait total de la situation. Et c'est sûr qu'on nous présente les Ukrainiens comme étant victimes des Russes qui les bombardent, mais c'est de regarder aussi qu'est-ce que leur dirigeant fait par rapport à une partie de la population qui cherche à se séparer d'eux, alors que, dans le fond, les Russes le reconnaissent une forme d'indépendance. Donc, tout est subtil. La construction de la réalité du discours officiel présentement oriente les gens dans une direction, mais les gens n'ont pas un portrait d'ensemble. Et c'est sûr que les gens ne l'auront pas à travers les médias de masse parce que chaque média est en relation avec différentes multinationales qui ont eux-mêmes leur agenda et tout est coloré. Même mes propos sont colorés. Pour moi, la réalité n'est le résultat que de différentes constructions intersubjectives. L'objectivité dans un sens absolu n'existe pas. Même les forces que certains vont appeler impersonnelles ou supramentales sont orientées aussi en fonction d'une visée. Si on parle d'un développement humain qui oriente des forces à mettre en place certaines programmations pour amener des individus à évoluer, bien, c'est en fonction d'une direction donnée. Et si on parle de direction, bien, on parle à ce moment-là d'objectifs, de visée. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas nécessairement être une visée aussi subjective qu'un ego qui cherche à s'emparer du pouvoir pour s'enrichir, mais on parle quand même d'une visée, d'une direction. Donc, tout ça pour dire que, présentement, le portrait global, on ne l'a pas, et là, il y a des gens qui veulent armer la population ukrainienne pour faire face à la Russie. Or, si les pays occidentaux donnent des armes aux gens en Ukraine, est-il possible que par la suite, ces armes soient utilisées par Zelensky qui dirige l'Ukraine et ses responsables pour ensuite s'en prendre aux séparatistes avec ces armes? Une partie de la population ukrainienne qui veulent se séparer de l'Ukraine et que des crimes contre l'humanité soient également, dans le fond, commis, alors que le but de ces armes-là, c'est d'empêcher l'envahissement de l'Ukraine par les Russes pour empêcher que des crimes contre l'humanité soient commis. Donc, il y a toutes sortes de questions subtiles qui peuvent se poser par rapport à ce qui se passe présentement. Mais moi, en tant qu'individu, par rapport à tout ça, je regarde ça avec un grand recul. Et je réalise que peu importe le parti ou le groupe qui va prendre le dessus ou l'autre, à savoir est-ce que la Russie va prendre le dessus en Ukraine et l'annexer, ou au contraire, les Ukrainiens vont chasser les Russes, dans tous les cas, eh bien, c'est les producteurs d'armes qui sont les gagnants, en ce sens que si les gens de la Russie ou en Ukraine achètent massivement des armes ou leur sont distribuées des armes qui ont été quand même achetées et produites, ben, c'est ceux qui les vendent, les produisent, qui c'est avantageux pour eux. Donc, il y a tout un système derrière ça qui est à observer. Et moi, en tant qu'individu, j'ai décidé de m'installer dans la joie, dans le bonheur, plutôt que dans un état d'impuissance. D'ailleurs, quand j'écoutais l'émission là, avec Ariane Moffat, elle disait ce que j'ai entendu de sa bouche, c'est encore une forme d'induction. qui est faite. Donc, tout le monde se sent impuissant par rapport à ce qui se passe présentement en Ukraine. Donc, un Dieu que tout le monde se sent impuissant. TVA, sur ses ondes, où a été présentée cette émission, comme d'autres émissions, sont très forts pour l'induction d'idées que des gens sont concernés par quelque chose. Donc, des fois, on va entendre Pierre Brudeau de TVA, donc l'un des animateurs vedettes de la chaîne, dire « Tout le Québec a été ébranlé d'apprendre l'enlèvement, par exemple, d'une jeune fille. » tous les Québécois sont choqués de ci, de ça. Donc, on induit l'idée que tout le monde est impliqué dans quelque chose pour programmer les esprits, les conditionner, faire ce que Noam Chomsky appelle « manufacturing consent », créer le consensus social et le manufacturer. Donc, j'observe tout ça. J'aime prendre un recul un peu à la manière de quelqu'un qui va faire de l'avion devant une situation pour la regarder au loin. Et de regarder comment tout est construit. Depuis quelques jours, je regarde l'activité médiatique et tout est construit de manière à ce que les gens soient solidaires de l'Ukraine, soient opposés aux Russes, puis qu'il y ait une légitimisation du boycott, par exemple, des produits russes, comme la vodka. Là, je regardais le journal de Montréal, et il y avait un article dans lequel il était question que, étant donné qu'au Québec, par rapport à la crise, pour mettre de la pression sur le gouvernement russe, pour que justement qu'il se retire de l'Ukraine, eh bien, ils ont décidé d'arrêter de vendre à la SAAC, la Société des alcools du Québec, de la vodka. Et là, il y avait dans un article, il était question que là, ça va être remplacé par de la vodka produite au Québec et même une sorte produite en Ukraine, dans les succursales de la SAAC. Et là, on nous présentait les produits pour orienter les comportements des gens, encore une fois, dans une direction. Mais tout ça pour vous dire que continuellement, la société, là, c'est par rapport à une crise au niveau géopolitique, mais ça peut être le retour aussi de la crise sanitaire par rapport à la menace d'un virus dans quelques mois. Il y a eu différentes crises, la menace du terrorisme avec les attentats du 11 septembre. Donc, continuellement, les médias cherchent à orienter l'opinion publique, à nous conditionner. Au niveau occulte, ce qu'il faut réaliser, c'est que chaque individu produit une quantité d'énergie de par son activité psychique et produit des émotions aussi, qui vont être propices ou non à sa vitalité. Et c'est sûr que l'un des enjeux occultes, c'est le parasitage des énergies des vivants sur tous les plans et de le relier à des causes, à des agendas. Donc, par rapport à ma situation à moi, dans mon cas, bon, je suis un individu qui vit dans la province du Québec, situé dans le pays du Canada, qui est membre de l'OTAN. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas être objectif au Canada par rapport à l'OTAN. On est des membres. Donc, c'est sûr que si on est membre de l'OTAN, ben, à quelque part, l'OTAN a un agenda et on peut être le relais de son agenda qui vise éventuellement à amener l'Ukraine à adhérer à l'OTAN. Ouais, et que, à quelque part, l'Ukraine ne rejoigne pas de nouveau, comme dans le temps de l'URSS, le bloc de l'Est, là, naturellement. Donc, ça, c'est la situation dans laquelle je me trouve. Moi, en tant qu'individu, par rapport à qu'est-ce qui se passe, moi, je suis en désaccord avec la violence qui est faite auprès de civils, qu'il y ait des crimes contre l'humanité qui soient perpétués, que ce soit d'un camp ou d'un autre, des belligérants impliqués là, dans la situation conflictuelle là, en Ukraine. Donc, c'est ce que j'ai à mentionner. Je réalise que la relation que j'ai avec les médias, puis c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, c'est une relation où, à chaque fois que je les écoute, on cherche à m'amener dans une direction, puis là, il faut tout le temps que je sois capable de prendre un recul par rapport à eux, puis de recontextualiser les choses en disant, bon, eux autres, ils disent ça, mais dans les médias alternatifs, ils disent ça, puis moi, qu'est-ce que je dis aussi? Donc, c'est comme être avec quelqu'un dans un lit, et la personne cherche toujours à tirer la couverture de son côté. Puis il faut tout le temps ramener les choses ou les réévaluer par soi-même pour ne pas être englobé par ça. Mais, à quelque part, en vivant en société, je suis confronté à l'activité médiatique parce que, bon, ça influence les gens de mon environnement, même en faisant du ski de fond, comme je le mentionnais tantôt, je suis exposé à ça, indirectement par rapport à des personnes. Puis là, les personnes veulent m'amener à vibrer à de la tristesse avec eux en disant « Ah, c'est pas drôle, il arrive telle-ci, telle chose, telle-ci. » Puis là, c'est moi que j'ai regardé qu'est-ce qui est le moins énergivore pour moi en disant « Ah, ben oui. » Puis après ça, je m'en vais ou j'essaie d'expliquer que ça, c'est une perspective, puis qu'il y a d'autres perspectives. Puis comme j'ai fait avec un monsieur, j'ai expliqué, ben, j'ai dit « Écoutez, alors qu'on nous présente certaines choses dans les médias de masse simultanément, il y a des gens dans les médias alternatifs qui nous disent qu'en Ukraine, eh bien, les forces de Zelensky auraient voulu s'en prendre aux séparatistes, puis il y aurait eux autres aussi été bombardés. Donc, dans les régions du Donbass. Donc, faire voir l'autre côté de la médaille. J'en avais parlé avec un monsieur qui me semblait ouvert d'esprit. Je lui ai dit, ben oui, il y a deux côtés de la médaille. C'est comme dans un couple. Tu peux avoir la vision de l'homme, tu peux avoir la vision de la femme. Et bon, on a parlé quelques instants, on est passé à autre chose, mais ça, cet exercice-là, je ne cherche pas nécessairement à le faire avec tout le monde. Je voyais qu'il était réceptif. Mais essentiellement, ce que je veux dire, c'est que dans les prochains jours, je n'ai pas l'intention de laisser les médias me conditionner en fonction de qu'est-ce que je dois croire, qu'est-ce que je dois penser par rapport à ce qui se passe dans le monde sur le plan géopolitique. J'aime aborder les choses avec des gens qui ont une indépendance d'esprit. Bon, il y a quelques jours, j'ai réalisé une entrevue avec Berthold que j'ai beaucoup appréciée. Donc, sa perspective là, sur les événements relatifs au conflit présent en Ukraine. Parce que ça nous donne un autre son de cloche que celui qui est véhiculé dans les médias de masse. Mais essentiellement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, ce qui est fondamental, puis c'est pour ça que je vous ramène à vous par rapport à ça, c'est vous, comment vous positionnez par rapport à la nature de l'événement pour vous, ce qu'on nous dit être un événement. Parce que je prends pour acquis que tout est construction. Dans la propagande, l'une des bases, c'est de construire une réalité à son avantage. Donc, on le voit présentement, on va dire d'un côté dans les médias occidentaux que la Russie, présentement, fait une invasion de l'Ukraine. Elle fait la guerre à l'Ukraine. Donc, c'est une politique d'agression qui est offensive qui est en train de mener. Puis en même temps, simultanément, de la perspective russe, la façon qu'est construite la réalité, c'est de dire qu'il se déroule présentement une opération spéciale sur le plan militaire. Donc, c'est très différent. Puis la perspective russe de parler de guerre de la Russie contre l'Ukraine, la personne qui ferait ça en Russie pourrait être passible jusqu'à 15 ans de prison. Donc, on cherche à tout invalider les gens qui vont à l'encontre du discours officiel. Puis en Occident, ben, dans les médias de masse, c'est un petit peu la même perspective avec la pensée unique là, par rapport à ce qui se passe présentement. Et tous les mots peuvent avoir l'air anodins, mais c'est les mots sont des vecteurs idéologiques très forts. On l'a vu ici au Québec, par rapport à une partie de la population qui voulait que le Québec devienne un pays, puis une autre partie, simultanément, voulait que le Québec reste attaché au Canada. Et les gens qui étaient opposés que le Québec quitte le Canada, qualifiés les gens qui voulaient être indépendants du Québec, de séparatistes, alors que les gens qui veulent que le Québec devienne un pays se qualifient eux-mêmes d'indépendantistes parce que le mot « indépendance » a une connotation qui est positive, dans le sens quelqu'un qui est indépendant, ben c'est quelqu'un qui est libre, quelqu'un qui n'est pas sous influence, alors que séparatiste a une connotation péjorative, donc quelqu'un qui cherche la séparation, la division, qui cherche à briser l'unité nationale, et ainsi de suite. Donc, les mêmes guerres idéologiques qui courent pendant plusieurs décennies au Québec entre les gens qui sont pour ou contre le fait que le Québec devienne un pays. J'aurais pu dire le Québec soit indépendant ou séparé du Canada. Si je dis que le Québec soit indépendant, ben les gens vont dire que tu es un indépendantiste et pour ça implicitement. Alors que si tu dis que le Québec se sépare du Canada sous l'influence de séparatistes, ça sous-entend que tu es contre ça. D'ailleurs, les gens du Parti libéral, historiquement, utilisaient le vocable, parce qu'eux autres étaient pour la puissance du Canada, de qualifier les gens qui voulaient que le Canada se sépare, que le Québec se sépare du Canada, de séparatistes. Donc, les gens du Parti libéral ont fait ça pendant plusieurs années au niveau des élections provinciales. Donc, ce parti, alors que du côté du Parti québécois, au contraire, on parlait d'indépendantistes. Donc, pour les gens qui étaient favorables à ce que le Québec devienne un pays. Donc, il y a une guerre idéologique. Dans ce cas-ci, c'était une guerre au niveau essentiellement des idées. Là, il n'y a pas personne qui se tirait dessus avec de l'artillerie, puis des canons, puis des mitraillettes, des chars d'assaut. Mais la guerre idéologique entre une partie séparatiste du peuple et une autre partie, au contraire, qui veut lui forcer à rester de force, bien, c'est sûr que ça peut se traduire à travers une guerre civile avec des gens qui se bombardent avec des tirs de mortier, des tirs de chars d'assaut, de mitraillettes, ainsi de suite. Donc, en Ukraine, on en a une idée là, par rapport à ce qui se passe au Donbass. Là. Donc, ça, c'est un autre aspect. Mais tout ça pour vous dire que par rapport à la capacité d'orienter la conscience, ce qui est intéressant, c'est de se l'approprier. Plutôt qu'être soumis au dictat des médias de masse. Pour se l'approprier, l'une des façons d'y arriver, c'est de définir qu'est-ce qu'on veut sur le plan individuel pour son existence, d'agir en conséquence, et aussi de programmer la réalité, qui est une construction en ce sens. Donc, il y a des forces qui programment des gens en fonction de l'agenda pour les amener à consommer certains produits, voire même à s'engager dans une guerre. Donc, on regarde l'Ukraine qui veut que les pays occidentaux s'engagent à empêcher les Russes d'occuper le territoire aérien qui survole l'Ukraine pour empêcher les bombardements aériens. Donc, c'est sûr, le président Zelensky a son agenda par rapport à ça. Je cherche à orienter la conscience des gens un peu partout en Occident, dans les différents pays dans le monde, en ce sens. Mais nous autres, on peut utiliser notre conscience par rapport à soi. L'une des façons d'y arriver, ben, c'est sûr que ça peut être à travers la méditation, la bénédiction. Ces temps-ci, je fais beaucoup d'activités de méditation guidée. Vous en avez beaucoup sur YouTube et dans le fond, si on peut utiliser la méditation pour favoriser sa santé, sa lucidité, son intelligence, son mieux-être, ben moi, je trouve ça intéressant. C'est sûr que les différents médias peuvent nous desservir par rapport à ce qui est véhiculé, mais on peut sélectionner aussi des choses sur des plateformes comme YouTube ou Facebook qui vont nous avantager. C'est tout dépendant. Et on peut générer aussi des choses par soi-même, des contenus créatifs pour le faire. Mais par rapport à l'individuation de la conscience, c'est que l'individu a à être, en fait, le vecteur créatif du réel qu'il veut déployer. En ce sens que comme le réel n'existe pas en soi, mais par soi, et que le réel est le résultat d'une construction intersubjective, bien, c'est les énergies qu'on peut utiliser qui peuvent nous servir à codifier la réalité, à l'amener dans une direction plutôt qu'une autre, dans une perspective où la réalité est le résultat de constructions d'énergie qui sont agglomérées et que les gens ne sont pas séparés les uns que des autres. Et à ce moment-là, ben, l'interinfluence se produit. Donc, les médias peuvent influencer l'individu à un point tel qu'il va vouloir aller faire la guerre dans un pays qui ne s'y intéressait pas il n'y a peut-être même pas un mois. L'influence médiatique peut être un point tel d'amener l'individu, par exemple, à avoir peur d'un virus à un point, quelques jours après être exposé à l'influence de médias, à refuser de sortir de chez lui sous la peur. Donc, ça peut aller très loin. Donc, l'influence qui peut être faite, mais l'influence qu'un individu peut avoir sur sa propre vie, sur le collectif, ça devient plus compliqué parce que il y a plusieurs forces qui sont en jeu. Il y a des égrégores d'énergie, donc des grandes structures énergétiques. C'est sûr qu'un individu peut vouloir la paix dans le monde, peut bénir par rapport à ça, peut vouloir utiliser sa volonté, peut participer à des groupes de méditation pour favoriser, par exemple, la paix en Europe de l'Est. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est qu'on est plusieurs milliards d'êtres humains sur la Terre. Et qu'il y a plusieurs personnes dont leur orientation, leur volonté est dans un sens plutôt guerrier. Donc, de défaire une programmation collective pour la remplacer par une autre qui va être pacificatrice, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie. Par contre, d'agir par rapport à soi, fondamentalement, à mon avis, c'est ce qui est le plus intelligent. C'est sûr que si quelqu'un veut faire de méditation pour la paix dans le monde, c'est correct aussi, là. Donc, on peut agir à plusieurs niveaux. On est des êtres, après tout, multidimensionnels. Ça, c'est clair. Puis c'est sûr qu'au niveau du champ quantique, qui est l'élément à partir de lequel la réalité se déploie, bon, mais le champ quantique est orienté par l'activité de différentes consciences constitutrices qui constituent le monde qu'elles perçoivent, qu'elles se donnent comme représentation. Donc, de voir le monde, c'est de se le représenter au même titre que de voir, par exemple, une expérience. Bon, mais au niveau de la physique quantique, on sait très bien que le simple fait d'observer une expérience a un impact dessus. C'est la même chose par rapport à la vie sur Terre, les gens de notre environnement, et ainsi de suite. Tout est constitué. L'idée de la guerre, par exemple, est constituée. L'idée de la menace d'un virus est constituée. L'idée de la menace terroriste aussi. Tout ça, c'est des constitutions. Puis c'est tout le temps de voir qu'est-ce qu'on nourrit en soi par rapport à soi. Donc, moi, je refuse de me sentir impuissant par rapport à la menace d'un virus ou la menace d'une guerre. Ma volonté est de constituer un état de joie, un état de bonheur. Et si c'est le cas de certains d'entre vous, eh bien, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi dans les prochaines minutes pour participer à cette session de bénédiction que j'ai décidé de faire en fin d'enregistrement. La bénédiction sert à articuler, entre autres, à voix haute, à mobiliser sa pensée, ce que certains appellent son temps de cervelle, son énergie, dans une direction qui cherche à nous favoriser, à nous avantager. Donc, en lien avec ça, je vais procéder. S'il y en a qui s'intéressent parmi vous, vous êtes les bienvenus de vous joindre à moi. Et c'est sûr que si vous joignez à moi, ben, à ce moment-là, vous pouvez vous asseoir dans un lieu, si ce n'est pas déjà fait, confortablement, fermer les yeux. Et à ce moment-là, vous pouvez visualiser ce que vous voulez constituer dans votre vie, ce que vous voulez générer. Donc, dans mon cas, qu'est-ce que je veux générer? Ben, c'est le bonheur. C'est la joie de vivre. C'est être capable d'être heureux. La capacité de jouir de la vie intégralement. Donc, dans les prochaines minutes, en ayant les yeux fermés, dans un état propice à l'introspection, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez prendre quelques instants en visualisant l'énergie circuler à travers vous pour vous amener à vivre un état agréable. Donc, la visualisation créatrice qui peut être aussi prétexte pour l'utilisation de la bénédiction, qui sert à utiliser la volonté individuelle pour orienter l'énergie dans une direction plutôt qu'une autre, peut servir à se réajuster quand on est exposé à des gens qui sont toxiques, remplis de peur, remplis de crainte en relation avec l'activité médiatique actuelle pour rester dans un état inébranlable, un état paisible, un état dans lequel on n'est pas soumis à la peur, on n'est pas soumis à différents symboles externes, que ce soit l'augmentation du coût de l'essence à la pompe pour nous apeurer par rapport à la menace de l'inflation. Donc, par rapport à toute forme de menace qui cherche à amener de la peur, de l'anxiété, etc. Donc, par rapport à tout élément qui peut chercher à nous décentrer, on peut bénir le centre de gravité permanent. On peut bénir notre identité divine. Donc, à ce moment-là, au lieu de s'en remettre à des béquilles célestes, à prier les anges, les extraterrestres ou le bon Dieu, bien, on peut reconnaître qu'en tant qu'être, on est infini et que le monde est en soi. Donc, de par notre conscience qui fait partie du monde, eh bien, on peut agir à distance sur des événements qui se passent, sur notre vie surtout. Dans mon cas, et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est sûr par rapport aux énoncés, dans le sens que vous pouvez utiliser des énoncés que j'utilise, vous pouvez en utiliser d'autres aussi. Je vais bénir ma santé, mon système immunitaire, ma capacité à constituer la vie qui est propice à mon épanouissement. Je vais bénir en l'investissant de l'énergie qui est associée à la santé, mon cerveau, tout d'abord mon cerveau gauche, qui, comme beaucoup d'Occidentaux, est utilisé pour des activités à caractère intellectuel, comme par exemple écouter un bulletin de nouvelles, faire la lecture d'un article, et aussi mon cerveau droit. Je veux bénir ma pacification de mon cerveau gauche et ma capacité d'être réceptif avec le cerveau droit aux idées créatives, à l'intuition, à tout élément d'information qui peut m'avantager aussi. Donc, je bénis l'harmonisation de l'hémisphère cérébral gauche avec le droit. Ensuite, je bénis la glande pinéale située au centre de mon cerveau pour qu'elle soit en santé, pour qu'elle me permette d'avoir accès à un contact renouvelé avec la multidimensionnalité de mon être global. Ensuite, je bénis mes yeux, mon nez, ma bouche, et je les investis d'une lumière qui les recharge sur le plan énergétique. Je ressens à présent cette énergie travailler l'intérieur de mon corps physique, plus précisément la zone de ma tête que j'investis de présence pour favoriser la régénération de cette zone ainsi que le reste de mon corps. Et là, je visualise l'énergie qui descend des cerveaux à la gorge, ensuite aux poumons. D'ailleurs, je peux, dans les prochaines minutes, prendre 3 grandes respirations où je visualise que j'inspire l'énergie du chi, comme diraient les orientaux, ce que certains en Inde appellent le prana, et ce que je vais appeler dans des termes simples l'énergie vitale. Donc, je va inspirer consciemment en me représentant, en constituant l'oxygène que j'absorbe comme étant chargé d'une énergie vitalisante. Donc, j'inspire et j'expire. Également la lumière. Je laisse rentrer la lumière puis je l'expire consciemment. Donc, je vais faire une autre inspiration, expiration. Et encore une fois, donc là, j'ai inspiré consciemment avec une intention accompagnatrice de l'action à l'effet que j'absorbais la lumière porteuse de vie, porteuse d'une régénération de mon organisme sur le plan cellulaire, sur le plan physique et également sur le plan vibratoire. Après les poumons, je visualise à présent mon cœur ayant un battement rythmique régulier, propice à la santé. Je le représente présentement à vibrer à l'énergie de l'amour réel, de la beauté de l'amour en tant qu'énergie porteuse de vie, porteuse de créativité et de volonté intelligente aussi. Par la suite, je visualise que ma conscience va procéder au balayage de mes reins pour les investir de lumière. Je visualise que mes organes internes de mon ventre sont de plus en plus chargés par de la lumière que je continue à inspirer de par mes poumons pour les revitaliser, les restaurer, les harmoniser aussi à l'énergie de mon être global. Ensuite, je visualise l'harmonisation en plus des reins aux intestins, à mon organe aussi sexuel, au pancréas, aux différents organes internes dans mon corps pour qu'ils soient investis d'un état d'amour de soi renouvelé, puissant, fort. L'amour de soi est important parce qu'il est propice à la santé. À un moment donné, j'écoutais le philosophe jovialiste André Moreau qui disait que sur le plan de la psychosomatique, le cancer était la maladie de la haine de soi. Et c'est sûr que présentement, au niveau planétaire, il y a beaucoup de gens qui sont atteints du cancer. Et c'est sûr que par rapport à ça, c'est en relation avec différentes variables. Mais ce que je perçois et ce que je capte, bien que ce soit une maladie multifacteur, bien, c'est sûr que quelqu'un qui saillit, ça aide pas. Donc, l'important, c'est de visualiser lorsqu'on fait une méditation guidée pour se favoriser, le meilleur pour soi. Donc, je visualise que l'énergie relative à l'amour que je peux manifester pour moi-même se déploie dans mon corps biologique. Je visualise que mon corps est investi d'une douceur envers lui-même qui lui amène souplesse, fluidité dans les mouvements, une forme de légèreté, une forme aussi de capacité à jouir grandissante de mon vécu au quotidien. Ensuite, après avoir visualisé les organes internes investis de lumière, j'investis de la présence de ma conscience, les différents réseaux sanguins qui parcourent l'ensemble de mon corps physique, pour qu'ils soient porteurs de l'énergie propice à la vie. Ensuite, je visualise mes mains, mes coudes, mes épaules, mes genoux, mes mollets et également mes pieds comme étant traversés simultanément par une vague d'énergie régénératrice que je déploie en moi. Je visualise maintenant que l'ensemble de mon corps est apaisé. Je me le représente mentalement de cette façon. Je me le constitue. Je visualise que le calme s'installe de plus en plus en moi. Je me permets de me programmer d'une manière différente que cherchent à nous programmer les médias de masse, les dirigeants de multinationales avec leur lobby, que ce soit le lobby des armes en temps de guerre ou le lobby pharmaceutique en temps de crise sanitaire. Je bénis mon autonomie psychique pour faire face au conditionnement médiatique grandissant. Je bénis ma paix mentale. Je bénis mon intelligence pour qu'elle soit grandissante et divertissante aussi. D'être capable de m'amuser avec l'intelligence plutôt que de la subir. Donc, je bénis le déploiement adéquat de mon intelligence dans l'optique de favoriser mon bien-être. Parce qu'il y a des gens qui sont très intelligents, mais qui sont malheureux. Parce que leur intelligence qui est vaste leur permet de capter des choses que les autres de leur environnement ne voient pas. Et ça amène ces gens-là à souffrir d'un sentiment d'incompréhension par rapport au collectif. Alors que je bénis mon intelligence pour qu'elle me donne accès à des perceptions subtiles qui peuvent échapper à plusieurs personnes, mais en même temps, je la bénis aussi pour me permettre de simultanément de jouir de la vie sans en être victime. Car la sensibilité perceptuelle relative à l'intelligence peut être à double tranchant. C'est comme la médiumité. Donc, il y a des gens qui sont victimes de perceptions médiumiques parce qu'ils vivent des états de possession à répétition ou qui sont imprégnés des gens de leur environnement qui les polluent sur leur plan de leur structure énergétique parce qu'ils absorbent beaucoup. Mais simultanément, quelqu'un qui est médium, ça lui permet d'appréhender une autre personne à partir d'un ressenti au lieu de l'appréhender, par exemple, juste sur le plan intellectuel. Donc, une compréhension peut être beaucoup plus grande et vaste qui peut être obtenue par rapport à des perceptions médiumiques. Mais en même temps, ces perceptions qui peuvent déboucher sur une très grande empathie face à autrui doivent être ajustées pour pas que l'individu en souffre. Donc, quelqu'un qui est très ouvert aux autres peut comprendre avec très grande précision la souffrance qu'il peut vivre. Mais en même temps, il y a une distinction entre l'empathie qui permet de capter l'état de souffrance et de sympathie vibratoire qui l'amène à ressentir cet état de souffrance et de s'identifier à la souffrance d'autrui et de se sentir triste parce que l'autre se sent triste. Alors que dans l'empathie, la personne perçoit que l'autre est triste, mais Elle a une distance interne qui fait qu'elle ne se sent pas nécessairement triste pour autant, bien qu'elle est en mesure d'écouter et de reconnaître avec clarté l'état de souffrance que vit autrui. Donc, autrement dit, la personne qui fait preuve d'empathie n'a pas de mépris pour la souffrance qui est vécue par autrui. Elle a tout simplement une compréhension de cette dernière, sans pour autant adhérer à elle et la nourrir en elle, et se sentir également elle aussi comme victime. Donc, autrement dit, la personne qui est empathique peut observer l'état de souffrance d'autrui avec précision, sans pour autant se considérer comme étant une victime de la même souffrance. Donc, je bénis ma capacité à faire preuve d'empathie dans ma vie de tous les jours. Ensuite, je bénis le lieu que je vis pour qu'il soit rempli de beauté. Je bénis, c'est-à-dire j'investis de mon être en tant qu'absolu, qui est le dedans de tous les dehors, dans le sens que l'univers est constitué par la conscience, et la conscience qui est un espace de déploiement, ben, il englobe tout l'univers, donc il peut englober le lieu où je vis. Et à chaque fois que je représente le lieu où je vis comme étant investi de beauté, je participe à donner de la puissance à cette représentation. Par la suite, je vais bénir l'animal de compagnie avec lequel je vis pour qu'il continue à être en santé. En fait, je vis avec un chat qui a plusieurs années. Et selon le calcul de ma compagne, le chat, parce que si on calcule une année humaine, que ça équivaut à 7 années de chat, il y aurait plus que 100 ans. Or, il grimpe encore aujourd'hui au-dessus du réfrigérateur, donc il est en bonne forme. Donc, je bénis l'animal de compagnie pour qu'il vive longtemps, qu'il continue à être vivant pendant une longue période de temps, qu'il soit heureux en ma présence. Et bien entendu, je termine en bénissant ma capacité de bénir pour qu'elle soit grandissante au fil du temps, surtout au fil des enregistrements auxquels je fais référence à la capacité de bénédiction, pour que ça devienne de plus en plus exponentiel, en ce sens que j'ai fait il y a plusieurs années un enregistrement à ce que je faisais allusion à la capacité de bénédiction, un autre aussi, où je faisais aussi des séances de bénédiction. D'ailleurs, j'ai fait une liste de lecture présentement là, sur YouTube par rapport à ça, que vous pouvez lire, avec différents enregistrements vidéo, avec des activités de bénédiction. Bon, ben, si ça vous intéresse, vous pouvez aller les écouter. Sinon, en fait, je termine aussi en mentionnant que je bénis toutes les personnes qui désirent l'être. Et j'invite toutes les gens qui le désirent à utiliser leur conscience pour constituer des choses qui leur permettent d'être heureux. Je ne dis pas de nier les constructions des gens de l'environnement, c'est sûr qu'il faut tenir du contexte dans lequel on se situe et des constructions intersubjectives qui prennent le pas sur d'autres dans notre société. Donc, je prends en considération qu'il y a des gens qui sont très préoccupés par rapport à la situation en Europe de l'Est. Je le prends en considération par rapport aux gens de l'environnement. Mais je me donne à vivre la paix de l'esprit ici et maintenant parce que je le décrète. Donc, au lieu de rester dans un état d'anxiété, de parler avec ces gens-là pour les prochains jours, les prochaines semaines, non. Je m'installe dans une volonté qui est puissante et ferme d'être heureux. Et cela, peu importe ce qui se passe dans le monde, et d'appréhender la réalité avec celui d'un enfant qui aime jouer, voire jouir de la vie. Donc, en terminant, ben, c'est sûr que vous pouvez visualiser en faisant un balayage comme je l'ai fait tantôt, là, l'ensemble des organes du corps pour les investir de votre présence. Et c'est sûr que vous pouvez visualiser aussi en prononçant certains mots, voire certains mantras que vous investissez d'énergie. Quelqu'un peut prononcer le son « chi » en visualisant mentalement les différentes zones du corps comme étant investies d'énergie vitale du chi. Donc, vous pouvez réciter le mot chi à voix haute, puis de ressentir simultanément cette énergie vitale en l'invoquant. Donc, on peut faire l'exercice en disant chi. Vous pouvez le faire encore une fois. Chi. Et une dernière fois. Chi. Et là, vous pouvez visualiser à chaque fois que vous prononcez le mot chi, en l'utilisant comme une forme d'ancrage hypnotique, que ça vous rappelle que l'énergie vitale est en vous. Parce que les médias peuvent nous hypnotiser en fonction de certains sons, ensuite certains logos. Donc, à chaque fois qu'on voit un logo, ça peut nous amener à ressentir une émotion particulière. Mais vous pouvez volontairement aussi utiliser les techniques qui cherchent à vous manipuler pour, dans le fond, vous reprogrammer consciemment à votre avantage. Donc, c'est ça qui est intéressant à savoir, puis c'est ça qui est intéressant de faire. Et c'est sûr que présentement, dans les médias de masse, eh bien, il n'y a pas de session de méditation, de visualisation créatrice ou de bénédiction qui se font à ma connaissance pour ramener les gens à leur pouvoir personnel, les ramener au fait qu'en tant que conscience, ils constituent la réalité. Donc, pour les sortir d'un état d'épuissance, de sidération, ben non. Et c'est sûr que faut prendre sa vie en main. Moi, j'attends rien après les médias de masse, après le gouvernement. Et j'en suis à un point dans ma vie où ce que je réalise, c'est que les médias, que ce soit la crise liée au virus, la crise liée à l'Europe de l'Est, puis ensuite voir d'autres crises, on cherche tout le temps à nous orienter par rapport à certains comportements. Et nous faire vibrer continuellement à la peur. D'où l'importance de décider consciemment à quoi qu'on vibre. Donc, d'aller dans ce sens-là. Et on peut se maintenir dans des vibrations qui sont hautes. Donc, si on considère notre esprit comme n'étant pas une poubelle, d'ailleurs, une nutritionniste, elle disait, votre corps, considérez pas là comme une poubelle. Nourrissez-le d'éléments qui sont sains pour lui, pas en faire un dépotoir. Donc, c'est la même chose. Il faut se nourrir sainement sur le plan psychique. Puis, c'est dans ce sens-là qu'on peut écouter, c'est sûr, des enregistrements où il est question de conscience. Mais on peut soi-même déployer sa conscience activement à travers des activités donc de visualisation, méditation et autres. Donc là, je vais arrêter l'enregistrement. Ça fait quand même un bon bout de temps que je parle. Et je vous remercie de votre écoute. Je vous remercie de votre présence. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.